prends les 7 salades. 4 salades, 4 kilos d'orange. Je ne pourrais pas continuer. Nothing offended them. Je vais tenter une connaissance. J'ai un canon filé.